sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time I caught you out again. In a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonne fin d'après-midi à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine d'intérêt ludique Puissance Maximale. Mon nom est Vincent Langlois. En ce 13 décembre 2010, je suis en compagnie de toute l'équipe de Puissance Maximale et on va avoir une émission extrêmement remplie, comme à l'habitude. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Guillaume Forain avec nous. Salut Vincent. Salut Guillaume. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Il y a plusieurs sujets. Ça va dépendre du temps parce qu'on a d'autres gros sujets, des chroniques sur des jeux. Oui. Mais si j'ai le temps, je vais vous parler de l'ExoPC que j'ai déjà parlé par le passé, que moi et Vincent aussi un petit peu, on a eu la chance de mettre notre main dessus. Puis j'ai un petit peu l'œil dessus. Je suis allé voir un peu ce site internet. On pourra en parler un petit peu plus tard. T'as créé un besoin. Oui, vraiment, là, quelque chose d'assez intéressant. Mais tu sais, c'est comme les nouvelles technologies. Quand ça arrive, est-ce qu'on achète vraiment le premier ou on attend un peu que ça évolue? Comme iPad cette semaine qui a annoncé une nouvelle version. Alors, ceux qui l'ont acheté la première version. On en parlera un petit peu plus tard. Super. Andrew Castegan est avec nous aujourd'hui. Salut Vincent. Hey Andrew, tu as essayé un jeu de Wii. Eh oui, j'ai essayé Epic Mickey des studios Disney. Wow. Donner mon opinion là-dessus. On va en parler aujourd'hui. Excellent. Nous avons également Michael Michaud qui est avec nous, qui a essayé, en fin de compte, qui va nous parler d'un jeu de table, un jeu de plateau. Oui, cette semaine, on va vous parler de Cult Across America, un risque à la sauce Lovecraft dans l'univers de Cthulhu. Et vous avez entendu un petit wawawé de notre metteur en onde, le cœur de Puissance Maximale, François G. Couillard, qui est avec nous. Salut les gars. François, ça a l'air qu'on va aussi à Montréal aujourd'hui. Et oui, on va aller voir notre ami Gabriel Tremblay-Gaudette du laboratoire NT2. Et puis, il va nous parler comme ça des stéréotypes de rôlistes. J'en dis pas plus. Oh, et on a quelques rôlistes ici, justement, qui pourront participer à la discussion. J'en suis pas un, désolé. J'ai déjà essayé le jeu de rôle à l'époque avec, des étudiants dans le temps et un bibliothécaire qui fait partie de Puissance Maximale et qu'on a bien hâte de revoir. Salut, d'ailleurs. On salue, oui, Christian, qu'on va sûrement revoir bientôt sur les ondes. Et on va commencer en musique, François. Oui, on va y aller. Tiens, pourquoi pas la pièce, c'est un peu le thème Noël, hein? C'est Naël qui s'en vient, donc il faut, la semaine passée d'ailleurs, Guillaume t'a fait un choix musical très Noël geek. Tout à fait. Très Noël gamer. Et je sais pas pourquoi, il y a toutes sortes de pièces musicales qui se sont faites par les gamers, et cette fois-ci, ça va être le Noël de Cthulhu. Est-ce que tu veux présenter la pièce? Oui, en fait, c'est un album qui s'appelle A Very Scary Solstice, c'est plusieurs musiciens qui refont des tunes de Noël, mais sous le thème de l'univers de Lovecraft, et là, vous allez avoir une variation de l'Alléluia, mais avec Cthulhu. Alors, La pièce s'appelle The Dagon Tabernacle Choir. Très bonne chanson. Vous êtes à Puissance Maximale. Oh, ancient Ogathulu, Ogathulu. Beast of beasts and great old one, and he shall rise, and he shall rise, and he shall rise under the sea, and he shall rise, he shall rise, he shall rise. And great old one, Ogathulu, Ogathulu, and he shall rise abhorrent, abhorrent and ancient. Beast of beasts and great old one, beast of beasts and great old one, and he shall rise abhorrent and ancient, abhorrent and ancient, abhorrent and ancient. Ogathulu, Ogathulu, Ogathulu, Ogathulu. Alors bonjour tout le monde, ici Bonhomme Carnaval. Vous écoutez Puissance Maximale, installez-vous à vos jeux et soyez comme moi, le meilleur dans ce que vous faites. Et nous sommes de retour sur les ondes de CKIA. Comme le disait Bonhomme Carnaval, en fin de compte, on n'est pas loin du carnaval dans quelques mois, mais avec la neige qu'on a reçue cette semaine, vraiment, on pense seulement à Bonhomme, qui nous écoute, bien sûr. Peut-être en Floride, par Internet, on ne sait pas. Mais parlant de puissance maximale, c'est d'abord et avant tout un site Internet, l'émission de radio, que vous pouvez réécouter sur notre site Internet, le www.puissancemaximale.com, sur lequel vous avez également des nouvelles. Et vous avez nos adresses courriels, si vous en auriez des courriels, comme vous faites à chaque semaine, on vous lit. Et nous sommes très heureux de vous répondre. Également, bien, on est écouté à travers le Canada francophone sur les différentes stations de radio communautaire. CIVR, CJBE, et on a aussi nos amis d'Abandonware France, le site internet de jeux, de vieux jeux libres de droits d'auteur. Et il ne faut pas oublier qu'on est diffusé, on est actuellement dans les studios de CKIA. CKIA qui se porte plutôt mal, et puis ça se peut qu'on en parle plus profondément tout à l'heure, mais si vous voulez devenir membre, c'est le moment. Faites-le, allez sur le site de CKIA ou appelez tout simplement pour avoir une carte de membre. C'est pas cher et ça encourage vraiment des gens qui ont à cœur la radio communautaire à Québec. Des bonnes idées d'émission également, vous n'avez qu'à regarder l'horaire. Et on va y aller en chronique tout de suite avec Andrew Castegan qui va nous parler d'un jeu de Nintendo Wii. Oui, bien en fait, j'ai eu l'occasion de tester depuis sa sortie le tout dernier des studios Disney, le jeu Epic Mickey, un jeu qui s'était fait beaucoup remarquer lors du dernier E3 par son originalité et son côté obscur qu'on n'est pas habitué de voir dans le fond là, dans avec les personnages jeux, de Disney. Les personnages oubliés de Disney, là, même s'ils sont pas tous oubliés en fait. Là, j'ai joué au jeu et je dirais qu'il y en a peut-être trois que j'ai quand même fait. As-tu des exemples? Oui, avant que ce soit une surprise. Oswald, qui est le genre de lapin qui est apparu à un moment donné dans une des émissions avant même que Mickey soit Mickey. En fait, théoriquement, Oswald a été un des premiers dessins animés que Walt Disney a fait. Fait que on associe Mickey comme étant l'entité originelle de Walt Disney, mais ça serait pas le cas. Donc, d'où l'histoire de Epic Mickey. Il y a un scientifique aussi, le méchant dans le fond de l'histoire. Je me rappelle pas du nom du scientifique, mais c'est un des personnages qui a fait partie des premiers dessins animés là, de Walt Disney. Il y a aussi des gremlins volants qui vient d'un autre dessin animé de Walt Disney, mais quand je les ai vus, j'ai fait d'où que ça sort. Ça me dit tout quelque chose, mais j'avoue que c'est flou. C'est vague, ça date de loin. Déjà vu ça sur YouTube des mais clips. C'est aussi, il y a aussi les personnages secondaires. Généralement, les personnages qu'on fait le plus, comme d'où que ça sort, c'est vraiment les personnages d'arrière-plan qu'on voit dans les dessins animés de Walt Disney. Donc, c'est quand même assez surprenant à ce point-là. Mais pour faire un topo rapide au niveau de l'histoire, en fait, c'est qu'il y a un magicien qui a créé un monde fait de peinture et de magie pour accueillir tous les personnages de dessins animés oubliés de Walt Disney, où ils pourraient vivre heureux et s'amuser. Malgré le fait qu'ils aient été laissés de côté. Ils font plus rien. Et dans le fond, Mickey, une nuit, s'est rendu compte de l'existence de ce monde-là à travers son miroir, référence à Alice au Pays des Merveilles. Gros comme le bras d'ailleurs, parce qu'il lisait Alice au Pays des Merveilles. Donc, il rentre dans le miroir et dans le fond, il découvre ce monde-là dans la maison du magicien avec le pinceau magique qui a permis de créer ce monde-là et il fait un dégât de peinture et le monde tombe dans un néant chaotique. Chaotique, et tout devient déformé et lugubre dans ce monde-là. Et Mickey, contre son gré, crée des monstres d'encre qui viennent le chercher et l'absorber dans ce monde-là. Et il doit l'aider à le sauver, à le reconstruire ou à le détruire. Donc, oui, on peut jouer méchant. On peut jouer méchant dans ce... Mickey peut être méchant. Oui. Ben, je sais pas si ça a une influence à la fin, parce que j'ai pas fini le jeu et j'ai pas vu sur Internet si ça avait un réel impact sur la fin du jeu, mais ça a un impact sur le déroulement du jeu. OK. Dis-moi, Andrew, on parle de quel genre de jeu, là? En fait, c'est un jeu d'aventure plateforme, comme on retrouve dans les Mario et compagnie. C'est dans le même style, à la variante que... Un peu comme Mario Sunshine, dans le fond. Donc, on peut se promener en trois dimensions, vraiment, dans les plans arrière et tout ça. Exactement. Puis, au lieu de laver de la peinture, comme dans Mario Sunshine, ben, on utilise de la peinture pour soit détruire ou créer le monde. Et en fait, je dirais qu'en frais de gameplay, les studios Disney ont quand même bien réussi au niveau de jouabilité. J'étais sceptique au début parce que la première critique qui avait été sortie du jeu, c'était justement des problèmes de jouabilité, comme de quoi là, que le jeu, il y avait des petits problèmes de prise en main. J'ai pas été tout à fait d'accord avec ça. En fait, le personnage se contrôle bien, les contrôles sont quand même précis. Mettons qu'on a sauté sur des moments difficiles, on est capable de bien se contrôler. Et quand on parle de contrôle, est-ce qu'on met la manette sur le côté ou on utilise vraiment le Wiimote? Le non-shock et Wiimote. Okay. Car dans le fond, la Wiimote, il faut la pointer à l'écran pour lancer de la peinture. Et justement, c'est le seul défaut de jouabilité. C'est le seul défaut de jouabilité là, dans le fond là, que le jeu a, c'est le système de visée pour lancer la peinture. C'est pas majeur parce qu'on s'en tire quand même bien, mais quand il faut lancer de la peinture sur des petits ennemis, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. On passe plutôt à côté du personnage. On a tendance à tirer à côté, okay, à gaspiller de la peinture ou du dissolvant. Parce qu'elle n'est pas à l'infini. Exactement. Mais par exemple, le jeu en donne quand même à profusion. Donc, j'ai pas eu de moment dans le jeu où j'ai manqué de peinture ou de dissolvant. J'ai passé proche, mais on est toujours quand même capable de bien se débrouiller parce qu'on a tout le temps un plus que l'autre. Puis si on dissout des éléments du décor, ben il y a toujours du dissolvant ou de la peinture qui finit par sortir. Fait qu'on peut se refaire avec ça. Donc, c'est quand même bien à ce niveau-là. Au niveau durabilité du jeu, je dirais qu'à date, j'ai joué quand même quelques heures. Je me suis rendu dans le troisième monde du jeu à peu près, parce qu'on navigue dans des mondes à travers des niveaux de plateforme. Je dirais qu'à date, j'ai pas l'impression de voir la fin du jeu s'en venir. En fait, ça serait un petit peu dur à dire, parce que frais durée de vie, je peux pas donner de note parce que je sais pas la durée que ça prend exactement. Oui. Puis aussi, en même temps, des fois, il y a des jeux, quand on joue dans l'histoire, on arrive, on fait comme « Ah, là, je commence à voir l'apogée de l'histoire et tous les éléments, et donc je dois être proche de la fin, puis maintenant on a une surprise où réellement on arrive à la fin. Exemple, Halo est très bon là-dedans, on croit arriver à la fin et on est à la fin. Mm-hmm. Et dans le fond, dans ce jeu-là, en fait, je dirais que l'histoire est pas présente malgré qu'il y en a une. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que oui, on a des cinématiques, oui, on a des événements, oui, il y a des mondes où on parle avec des personnages, mais présentement, je suis un chemin, mais je sais pas trop où est-ce que je m'en vais. OK. C'est que Mickey, on dirait qu'il fait tout, mais il se pose pas de questions. Il a pas tendance à faire comme « Oh mon Dieu, je vais faire un geste ». C'est comme « Ah, il me dit d'aller là-bas, je vois Oswald au loin qui s'en va. Il y a un scientifique qui essaie de me tuer, puis un monstre d'encre qui essaie de m'assimiler, mais c'est pas grave, je vais aller par là-bas parce qu'il y a un gremlin volant qui m'a dit d'y aller. » Puis même Mickey connaît pas le gremlin. En fait, c'est comme un joueur de jeu de rôle standard. Là. Il prend tout pour acquis, puis il avance. C'est quasiment ça. Là, ben, je te dirais que c'est comme Mickey, tout simplement, sans dire que Mickey est un peu imbécile. Il est un peu naïf. Effectivement, mais c'est juste parce que d'un certain côté, je trouve que l'univers qu'ils ont fait avait un potentiel quand même très grand d'avoir une histoire comme on peut retrouver à les Kingdom Hearts et les autres jeux que les studios Disney ont fait. Et pour un jeu qui avait le nom Epic Mickey, je m'attendais vraiment à une histoire approfondie. Et pour l'instant, je suis comme... Finalement, ce qu'ils ont fait, c'est un plateforme tout court. Ils ont voulu faire un storyline qui a juste servi à introduire le jeu, puis... Ben, c'est quasiment ça, j'ai plus l'impression. On pourrait quasiment mettre des stages comme 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3, 1 de 4, un boss, et continuer comme ça. Avec des petites cinématiques pour mettre de l'action, rajouter du épique que le titre dit, mais on a comme pas d'histoire, on sait pas qu'est-ce qui arrive, pourquoi il fait ça, c'est quoi l'impact de qu'est-ce qu'il fait. Puis des fois, il demande des choix moraux, mais il t'explique pas vraiment l'impact du choix. Fait que là, t'es là, il dit « Ah, remplis cette fontaine pour activer l'horloge. » T'as le choix de mettre de la peinture et du dissolvant. T'es comme « Ouais, mais... » Si je fais l'un ou l'autre, tu sais que si tu mets du dissolvant, ou si tu mets de la peinture, tu vas être un méchant ou tu vas faire un acte de méchanceté. J'en conclue, mais c'est comme j'ai essayé de mettre du dissolvant, à part que l'horloge s'est mise à agir de façon détraquée, j'ai pas eu de conséquences en tant que telle. Il n'y a pas personne qui a fait « Oh mon Dieu, tu as détraqué l'horloge » ou quoi que ce soit. Okay. Depuis là, tandis que je mets de la peinture, ben ça marche correctement, à part que la porte est comme plus franchissable parce qu'elle n'arrête pas de fermer puis d'ouvrir. J'ai pas vu d'impact au niveau de vraiment la perception que les autres personnages avaient. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'ils ont mis des choix moraux. Ils ont mis des choix moraux, mais on se retrouve au final qu'on est comme, ouais, mais est-ce que ça l'impacte vraiment? Tu sais, c'est juste ça que j'ai trouvé un peu plate au niveau de ce jeu-là. Mais en soi, ça reste un bon platformer. Si vous cherchez un platformer pour une console comme la Wii. Exactement. Puis aussi, en même temps, ben, c'est un jeu qui, quand même, qui peut très bien se jouer par des jeunes enfants que des adultes. C'est pas trop sombre, c'est pas trop c'est pas violent, t'sais, c'est sûr c'est mature un peu comme histoire versus un dessin animé de Disney, mais un jeune va avoir autant de fun que l'adulte. Puis je dirais que c'est quand même une bonne idée cadeau, mettons qu'on cherche un cadeau pour le temps des fêtes là. Puis côté graphique, ça dit quoi? Ouais, à question à 100 roupies là. Ben en fait, faut pas s'attendre à une grande qualité graphique parce que c'est dans un univers de cartoon, fait que faut en même temps, c'est un peu du cel shading comme on est habitué de voir actuellement sur la Wii. Oui. Sauf qu'au lieu que ça soit des couleurs pétantes comme on est habitué de voir dans Red Faction, des choses comme ça, ils sont allés vraiment vers des teintes sombres. Donc, c'est bien, c'est du cel shading, mais on retrouvera pas vraiment le beau cel shading qu'on peut retrouver avec les Red Faction et des éléments comme ça. Les textures sont pas si travaillées que ça. Ils ont plus été vers une texture encre. Donc, c'est vraiment sombre. Il n'y a pas de détails extrêmes. Ils ont compensé avec, justement, les textures d'encre sur les personnages. Mais c'est pas le jeu le plus laid que j'ai joué sur la Wii. Là, il y en a des plus laids que ça. Donc, je dirais que c'est une qualité intermédiaire. C'est passable. T'sais, c'est regardable, c'est jouable, mais c'est pas le plus beau jeu qu'il y a eu sur la Wii. Donc, j'imagine qu'un casual gamer, un jeune là, qui est peut-être pas un très gros joueur, qui veut s'amuser, pour un parent justement qui a des jeunes enfants, presque adolescents, disons 10-12 ans, ça peut être un jeu intéressant. Ça peut être un jeu très intéressant. C'est sûr, si vous êtes habitué au genre de jeu comme Kingdom Hearts que j'avais parlé, des choses comme ça, c'est pas du tout la même chose. Attendez-vous pas là, à avoir le même calibre. Puis côté multijoueur, est-ce qu'on peut jouer à plusieurs? Il n'y a pas de multijoueur. C'est juste c'est uniquement solo. Puis il peut pas jouer sur internet avec quelqu'un d'autre non plus. Ben, c'est un peu la part des choses avec la Wii. Il y a quand même quelques jeux multijoueurs, même ceux qu'on peut jouer sur Internet, mais la majorité des jeux, justement, c'est beaucoup de jeux solo. Alors, merci beaucoup. On parlait de Epic Mickey avec Andrew Castegan. Même si tu peux pas nous donner une note générale par rapport au temps et tout ça, si tu dis la note générale, je dirais 7.5. 7.5, parfait. C'était sur 8. Non, c'est pas vrai. C'était sur 10. Sur 10. Alors, c'était Epic Mickey avec Andrew Castegan, et on va y aller en musique. On va écouter une pièce du dernier album des Frères Goyette, nos amis de Trois-Rivières. Donc, la pièce s'appelle Le Grand Cardiaque. Ça parle en fait d'un chanteur des messes, là. Puis bientôt, justement, ça va peut-être être le temps d'aller à la fois de l'année où on va à la messe pour peut-être la messe de minuit, qui sait. Alors, peut-être justement en rapport à ce qui s'en vient. Le Grand Cardiaque, les Frères Goyette. Vous êtes à puissance maximale. Parce que Louis-Gilles, il s'est informé. Uh-huh. Il s'est informé pour louer la Béraude, mais c'était pas louable, ça coûtait des prix de malade mental. Okay. C'est bête de payer à la cale à la tortue, il n'y a pas le même équipement. Ouais, OK, Régis, ça marche? Seul! C'est bon. Une, deux, trois... Il chante un véritable rossignol, son meilleur chum à la console. Chante fort comme un frère Jacob, rêve et s'imagine sur les planches d'un théâtre, suivre les pas de Maria Callas. Concert au Carnegie Hall. Et il mange et digère, petit poulet pour chaque concert. Prends des forces, mais prends pas de chance. Son Régis plus grand que la panse. Au sommet des palmarès, au top d'un hit parade, aime son public et Claudio Monteverdi. Son public l'aime bien aussi. C'est le nouveau Pavarotti. Et la puissance de sa voix causerait des éclats de portation. La puissance de sa voix mettrait KO les tourtereaux. Car il brise le cœur de femme, bouche ses artères, prend le pouls de la gloire chaque fois qu'il fait un concert. Et s'il fait aux frais, ce sera en couleur un opéra au rythme d'un pacemaker. Car il pousse alors chaque fois qu'il pousse une note. Oh, c'est un grand ténor, la chaîne de coffre fort. Petit enfant de l'école, si vous l'avez des loups, venez déposer à la caisse de Slénoux. Adieu les galettes, les bonbons, les biscuits, viens déposer tes sous chez nous. Sloop et sloop, à la bannière, à la caisse populaire. Sloop et sloop, à la bannière, à la caisse de chez nous. Sloop et sloop, à la bannière, à la caisse populaire. Sloop et sloop, à la bannière, à la caisse de chez nous. Hi, I'm Alexey Pajitnov. I'm creator of Tetris and you are listening to Essence Maximal. Comme le disait M. Pajitnov et ses puissances maximales sur CKIA, et nous avons la chance d'avoir en studio Michael Michaud qui va nous parler de jeux de plateau. Oh oui, aujourd'hui, en fait cette semaine, on va vous parler d'un jeu de stratégie, de guerre, de bataille dans l'univers de Howard Philip Lovecraft, écrivain américain du 19e siècle, qui a déjà vécu à Québec pendant quelques semaines. Coin, j'ai vérifié, c'est coin Bougainville, chemin Sainte-Foy, à Québec. Là, on parle d'un jeu américain, un jeu de baston, là. Ah oui, ben c'est un jeu à la risque. Donc, ça s'appelle Cult Across America. C'est sorti en 98. Un jeu pour 2 à 6 joueurs, édité chez Atlas Games. Et comme je l'ai dit, c'est tiré de l'univers d'H.P. Lovecraft spécialement. En fait, on mélange toutes les créatures un peu puis l'univers de Lovecraft. Donc, mais spécialement, ça, en fait, le jeu a le sceau Call of Cthulhu. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissent pas l'appel de Cthulhu, nouvelle d'horreur de H.P. Lovecraft. Et vous avez finalement ça se dessine sur le plateau avec une map, une carte des États-Unis. en plus des Dreamland, qui est un peu le monde, justement le monde des rêves de, qui est décrit dans les écrits de Lovecraft. Donc, il y a une sorte de board parallèle au board États-Unis. Ben, c'est quelques villes de plus qui se rajoutent avec les villes qu'il y a sur la map américaine. Il n'y en a pas tant que ça, je pense qu'il y en a quatre, dont reliait où se réveille Cthulhu dans la nouvelle. Donc, vous avez cette map-là avec toutes les villes sont reliées par des chemins. Et le but du jeu, c'est d'avoir le meilleur culte, la plus grande secte en Amérique. Donc, vous jouez le rôle d'un chef de secte et il faut que votre culte, votre secte devienne la plus puissante en Amérique. Vous avez trois façons de gagner le jeu. En fait, il y a trois façons de jouer. Il y a la standard où vous devez faire une ligne complète de la côte ouest à la côte est avec vos pions, finalement, vos cultistes, vos grands prêtres, parce qu'il y a différentes unités que vous pouvez posséder. De lignes de territoire conquis. C'est en plein par ça. Par ville ou... Il faut que vous ayez au moins une unité qui vous appartient par ville et que vous ayez le contrôle de cette ville-là, finalement. Donc, de la côte est à la côte ouest, c'est une façon de gagner. Ça, c'est la façon standard, finalement, de jouer. Et vous avez aussi la façon stratégique. C'est avec c'est la façon la plus courte finalement. C'est avec le nombre de chaque ville a une valeur. Vous vous donnez un temps de jeu, puis après temps de jeu, après disons une heure de jeu, ben celui qui a le plus de valeur gagne. Mm-hmm. Moins intéressant un peu je trouve. Et il y a celle que je préfère, la bloodbath, le bain de sang. Ça marche avec un nombre de points de victoire. Ben en fait non, le bloodbath c'est survivant. C'est vous jouez jusqu'à temps que vous soyez tout seul sur la map, donc à posséder les États-Unis et que votre culte soit le plus fort. Donc d'abord et avant tout, c'est une entente entre les joueurs, laquelle des façons ouais, on au début, utilise. C'est ça. C'est ce qu'il faut mettre en place au début, choisir le type de jeu que vous voulez faire. Avec la standard, vous pouvez gagner. La standard, vous pouvez toujours gagner en faisant la côte est à la côte ouest, comme j'ai dit tantôt, mais vous pouvez aussi utiliser les points de victoire. Ça, c'est une façon, si vous voulez faire une petite game rapide, mais intéressante quand même, sans faire le côté stratégique, là, ben, vous prenez le standard, mais avec un nombre. Vous avez jusqu'à 12 points. Vous pouvez aller jusqu'à 12 points de victoire. C'est quand même long. Acquérir 12 points de victoire, ça peut être quand même assez long, ce jeu-là. Ça fait que nous, des fois, on le fait à 10 ou même on le fait à 5, une petite game rapide, même pas une heure. Puis ça, vous pouvez les obtenir avec des cartes. Il y a différentes cartes dans le jeu. C'est une pile de cartes que vous gagnez à chaque début de tour. Vous pouvez même en acheter avec votre argent pour en avoir plus. Puis vous pouvez avoir soit des cartes d'unité, des cartes d'effet, puis aussi ces cartes-là qui vont ce qu'on appelle des cartes de victoire. Si vous remplissez les conditions qui sont sur la carte, le premier qui va remplir les conditions. Si t'as tel territoire, t'as tant de points. Genre, ben en fait, disons que d'ici le prochain tour, si tel personnage, parce qu'il y a des personnalités, des pions qui se promènent, qui sont des personnalités que vous pouvez posséder, ben disons que tel personnage, telle personnalité sont tués avant le prochain tour, vous gagnez 3 points de victoire. Okay. C'est que c'est dans ce style-là, ce genre de carte-là. C'est que vous pouvez y aller avec les points de victoire ou justement la ligne est-ouest pour gagner. Là, on s'entend, Michael, c'est les règles de risque. Non, pas exact. C'est un même principe. On lance des dés, un défendeur, un attaquant, puis vous avez différents. Ça marche avec des unités comme à risque. Les unités de base, c'est les cultistes. Donc vous avez un cultiste. Vous pouvez en mettre. Vous avez un maximum par. Contrairement à risque. En fait, à l'époque, quand je jouais à risque, il n'y avait pas de limite d'unité sur une ville. Mais dans Cult Across America, il y en a une. Mais vous n'êtes pas obligé de la suivre. Si les autres joueurs sont pas attentifs, vous pouvez en mettre. Mais s'il y en a un qui cale, disons qu'une ville a trop d'unités de votre part, ben vous êtes obligé d'en enlever, d'en jeter. Puis même, je pense qu'il y a d'autres pénalités par rapport à ça. C'est qu'il faut faire attention. Il y a une limite de troupes, de cultistes, parce que c'est quand même, il faut vous mettre dans l'idée que c'est un culte. Vous voulez quand même passer un peu inaperçu dans une ville. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que tout le monde nomme son culte au début du jeu. Moi, habituellement, c'est les vampires incognito. Mon culte à moi. Mm-hmm. J'ai déjà joué contre les fils d'Elvis aussi, qui étaient. C'est que vous personnalisez un peu votre jeu. C'est que chaque unité, vous pouvez rajouter des items comme des pierres et des bâtons qui donnent plus 1 à l'attaque. Vous pouvez avoir des fusils plus 2. Vous pouvez avoir des. Pour améliorer le mouvement, parce que c'est 1, chaque unité bouge de 1. Mais vous pouvez avoir ce qu'ils appellent c'est un panier d'épicerie de l'enfer, en fait, qui vous permet de mettre une unité dedans, puis vous déplacer de 2 à chaque tour. Vous avez des trocs, et en plus, vous avez des personnalités. Est-ce qu'il y a des créatures? Oui, mais en fait, les créatures, vous pouvez, grâce aux cartes, des cartes de summon que vous pouvez, en pigeant, vous pouvez summoner les fameuses créatures de Lovecraft. Des dont ghouls, des biaki. Vous avez, évidemment, vous avez Cthulhu. Vous avez Azathoth, qu'il ne faut pas prononcer le nom. D'ailleurs, ça, c'est vrai, quand vous bannissez cette créature-là, si quelqu'un prononce le nom de cette créature-là, qui s'appelle Azathoth, en fait, il faut dans la mythologie de Lovecraft, c'est un nom qu'il ne faut pas prononcer. Donc, dans le jeu, si quelqu'un le prononce, ben, il perd des cartes ou il perd des unités, si je me rappelle bien. Là, tu viens de le prononcer deux fois, qu'est-ce qui va t'arriver? Ça, je vais avoir ça rendu à la maison, parce que ma copine est une grande amatrice de Lovecraft, c'est que je veux connaître mon sort en revenant à la maison. La prochaine game. Ça fait que vous avez tout ça, puis en plus, vous avez des personnalités. Vous avez des cartes qui se retrouvent, qui donnent qui ont des certains effets. Vous avez le président des États-Unis. Lui, quand vous le possédez, parce que ils sont placés sur la carte aléatoire. Ben, en fait, ils commencent à une place bien précise. Donc, quand vous prenez possession de cette personnalité-là, ça vous donne certains pouvoirs. Vous avez le président des États-Unis qui vous permet d'appeler la garde nationale. Et lui ressuscite contrairement aux autres personnalités. Parce qu'on réélit toujours un nouveau président. Donc, vous pouvez summoner des unités garde nationale pour vous aider à vous défendre. Parce que vous contrôlez le président. Il y a aussi le pape. Vous pouvez avoir le pape sous votre contrôle qui empêche la prolifération des. Il est contre la prolifération des armes. Donc, à chaque fois, dès que vous retrouvez dans la ville où le pape est, vos armes disparaissent. C'est plus facile d'avoir des cultistes quand le pape est là parce qu'il est contre le contrôle des naissances. Donc, vous avez plus de cultistes qui peuvent apparaître. Vous avez un bonus de production de cultistes quand vous avez le pape. Vous avez le directeur de la santé publique qui vous permet de déclencher la peste quand vous l'avez. Ça peut être assez fou parce que ça se propage de ville en ville. Toutes les villes connectées, c'est que ça peut être exponentiel. Si vous n'êtes pas chanceux aux deux, mais ça peut se promener dans toutes les villes. Toutes les villes des États-Unis. Le ministre de la Santé distribue le choléra. Ouais, c'est en plein ça. Vous avez l'ambassadeur de l'Uruguay, je ne sais pas pourquoi, mais lui, il permet de tuer toutes les personnalités qui se retrouvent dans la ville où il se trouve. C'est que si vous le déplacez à une place où il y a le pape, ben lui, il tue le pape automatiquement. Tout simplement. Ça doit faire affaire à un fait historique là, dans les années 70 ou en Argentine, puis en Uruguay, ça allait pas trop bien. C'est ça. Puis vous avez finalement la fanfare de l'université Miskatonic, qui est un autre truc de Lovecraft. Lui, il donne plus son combo aux unités qui sont dans la même ville. C'est que vous avez une fanfare qui vous encourage pendant que vous vous battez. Vive les blaireaux. Ouais, c'est que vous avez ces unités-là qui se rajoutent à toutes vos unités de combat. Qui vont vous donner des bonus pour la production d'unités et même pour directement au combat. En plus des cultistes, vous avez des grands prêtres qui sont plus forts, qui c'est en fait vous pouvez convertir des cultistes en grands prêtres. Puis en plus, vous pouvez avoir des reliques qui vous boostent encore plus pendant les combats. Ça fait qu'en gros, voici ce que vous devez faire. C'est ça que vous avez dans Cult Across America. Vous avez toutes ces choses-là qui apparaissent. Mais en plus, dans les cartes que vous pouvez avoir, ce que je voulais dire tantôt, c'est que vous avez les cartes créatures, donc les cartes de summon, qu'on va aller chercher des migos, justement, ce qu'on disait tantôt, le Cthulhu, Azathoth et d'autres créatures comme ça, qui sont déjà plus forts qu'un cultiste à la base. Vous avez des cartes d'effet, donc, par exemple, qui peut vous immuniser contre la peste, ça, ce qui est bien pratique, puis qui peut, vous donner des malus même à un -5 à l'attaque parce que vous avez cette carte-là pendant un tour, puis après ça, vous l'achetez, vous perdez votre malus, mais pendant un tour. Mais ça peut être vraiment des effets chiens qui peuvent retourner la situation comme ça. Là, ça peut être assez apocalyptique, une partie de Cult Across America, parce que même si votre armée est quand même assez bien garnie, la victoire est proche, vous pouvez pogner une carte, puis c'est terminé parce que vous perdez toutes vos unités dans une ville ou vous perdez la moitié de vos unités parce que vous aviez un réacteur nucléaire à une place, parce que oui, vous pouvez avoir un réacteur nucléaire et un Cosmic Ray Gun qui vous permet de tirer plus loin dans d'autres villes. Ça fait que ça peut exploser, puis ça fait que c'est vraiment... C'est le fun parce que contrairement à Risk, les revirements vraiment dramatiques sur un dixième, ça arrive pas mal moins souvent. Donc avec ça, des événements aléatoires. Ouais, c'est ça, avec les cartes. Puis il y a un bon paquet de cartes. Là. Moi, je les ai pas tout. J'ai joué une couple de fois là, puis j'ai pas encore passé au complet dessus. Là. C'est que puis dans les autres cartes, on a les cartes d'équipement, comme je vous disais, qui vous permet d'avoir différents équipements pour équiper vos cultistes. Et finalement, les cartes de victoire avec les conditions qu'il faut remplir pour obtenir tant de points. Puis ça encore là, il y en a beaucoup, beaucoup de différentes natures et vous avez le même principe aussi sur les cartes comme dans Risk, vous avez des fois sur des cartes des petites unités, quand vous en avez trois pareilles, ben vous pouvez les changer contre une unité, donc contre un cultiste ou même contre des équipements de cultistes comme les bâtons, les fusils qu'on peut donner à nos unités pour se battre. Donc vous avez tout ça pour vous amuser. Puis en plus, vous pouvez voyager dans le Dreamland qui est dans d'autres villes, puis ça vous donne encore plus les villes imaginaires de Lovecraft, ben ça vous donne encore plus de bonus aussi parce que vous avez réussi à rentrer dans ce monde-là. Donc, vous avez un jeu de stratégie assez complet qui peut être assez chaotique et vous permet de gagner de différentes façons. Seul bémol, je trouve, ben, en fait, deux bémols. Quand je l'ai acheté, il n'y avait pas les règles dedans. Il a fallu que j'aille sur Internet les chercher, les faire imprimer. Tu parles d'un achat neuf ou tu parles... Oh oui, neuf, là. J'avais acheté ça à l'imaginaire à l'époque. Puis c'est pas de la faute de l'imaginaire, là. Il était scellé, le truc, là. Ça fait que quand je l'ai reçu, j'avais pas les règles. J'ai voulu que j'aille le chercher sur Internet. Et je dirais que le matériel est un peu cheap. Comme la planche est un peu cheapette, un petit peu, là. Mais bon, c'est environ... C'est-à-dire qu'elle est gondolée, genre. Ouais, mais c'est plié en quatre, puis après on la déplie, puis elle devient pas plate sur le jeu au complet. Faut l'utiliser quelques fois. Donc, puis toutes les unités, c'est tout des petits bouts de carton assez solides, là, mais vous allez pas avoir ça des belles figurines. C'est ça, vous aurez pas des belles figurines en plastique, mais vu la grosseur du plateau aussi, les grosses figurines, on aurait juste pu vers la carte. Mais à part les petits côtés matériels, le petit bémol matériel, moi, je vous dirais que c'est un excellent jeu pour les amateurs autant de l'univers de Lovecraft que de Risk. Ça donne à peu près le même effet, mais avec plus chaotique un peu. Tu disais, lors de mon achat à l'époque, est-ce que c'est une époque lointaine ou on peut encore se le procurer? Oui, je l'ai vu récemment. Je pense que je l'ai vu à la nouvelle boutique TPM aux Galeries de la Capitale. J'étais tombé dessus. C'est environ, moi, je l'avais acheté à 40-45$ à l'époque. Puis je pense qu'il est autour de 35 chez TPM. Mais c'est un jeu qui date quand même de 98. Il n'est pas facile à trouver. Mais je vous dis que ça vaut la peine. C'est des heures de plaisir. Bien, merci beaucoup, Michael. Merci à vous. Et on continue. On rappelle le nom du jeu, Call of Cthulhu. Cult Across America. Voilà. Et on va écouter une pièce musicale. Donc, ça va être tiré de la trame sonore de Walt Disney World, le parc d'attractions. Tout à l'heure, on parlait de Mickey Mouse. Et là, on va écouter une pièce qui est inspirée de Winnie the Pooh. La pièce s'appelle The Mini Adventures of Winnie the Pooh. C'est vraiment une pièce du parc du manège Walt Disney World. Vous êtes à puissance maximale. You'll see them multiply. Fly. They're extraordinary, so better be wary, because they come in every shape and size. Size. If hungry. what you covet. You'll find that they love it, because they guzzle up the thing you prize. Beware, beware, beware, beware, beware. Rushing, rising rivulets, till the river crept out of its bed and crept right into piglets. Et on va rejoindre notre ami Gabriel Tremblay-Gaudette du laboratoire NT2 à Montréal. Et il vient nous parler de quelque chose dans ses recherches. Évidemment, bon, l'Institut NT2 s'intéresse aux nouvelles technologies, ou même à l'art hypermédiatique. Et dans les recherches, dans ses recherches, Gabriel a fait une découverte stupéfiante. Les archétypes de rôlistes sont sclérosés depuis 1996. Bonjour, Gabriel. Salut, ça va bien? Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire exactement, là? Ben, en fait, je suis tombé sur cet article un peu par hasard. Je parlais avec Bernard Perron, donc un professeur que vous avez déjà eu à l'émission. Il a mentionné, il y a une typologie pour définir les comportements de joueurs de jeux de rôle. Puis là, il est nomme, puis je dis, oh mon Dieu, c'est intriguant. Peux-tu m'envoyer l'article? Et il m'envoie l'article d'un certain Richard Bartle, B-A-R-T-L-E. Où, en fait, il se propose d'expliquer les différents comportements de gens qui jouent à des MUD. Donc, et il précise, en fait, que c'est pas nécessairement pour des jeux de rôle qu'ils pensent à ça. Là, on s'entend, les MUD, c'est un peu l'ancêtre des MMO. Exactement, oui. Mais souvent, en fait, à l'époque où il écrit son article, ceux qui décrivaient étaient ceux qui jouaient uniquement par entrée de commande textuelle. Donc, il n'y avait pas d'interface graphique. Donc, ça remonte à il y a longtemps. Effectivement, oui. Une époque où en noir et blanc, pratiquement. Et qu'est-ce que tu as découvert dans ce vieux document-là? Ben en fait, c'est ça. Ce que Bartle propose, c'est de définir quatre types de comportements qui pourraient représenter les différentes tendances qu'un joueur de MMO peut prendre. Et en fait, les quatre correspondent à des couleurs du jeu de cartes traditionnel, mais en anglais. Donc, il y a les Achievers, les gens qui veulent en fait réussir les objectifs du jeu, qui seraient, eux, des diamonds, donc des carreaux parce qu'ils veulent obtenir tous les diamants. Il y a les explorers, qui, eux, sont des spades parce qu'ils veulent creuser. Donc, les explorateurs, eux, veulent vraiment couvrir la surface entière d'un MMO, découvrir des paysages inédits, etc. C'est ça qui préoccupe. Il y a les socializers, qui, eux, sont utilisent abondamment les fenêtres de chat ou les communications par micro, qui sont évidemment les cœurs, les hearts. Et il y a les killers, qui, eux, en fait, leur but, c'est un peu de faire de la cyber-intimidation, qui, donc, seraient les clubs, en anglais, les trèfles. Et ils veulent nous clubber sur la tête. Donc, il y a quatre archétypes de rôlistes, en quelque sorte. C'est ça remonte vraiment, là, c'est un archétype qui remonte aux années 90, là. Oui, tout à fait. Hein. Ben, en fait, il appelle pas vraiment ça des archétypes, il prend bien soin de dire ces quatre tendances qu'un joueur peut avoir, et aucun joueur va être strictement un killer, strictement un achiever, strictement un explorer, strictement un socializer, mais il va être un peu à la jonction d'un de ces quatre éléments-là. Et en fait, il y a même un graphique assez intéressant où il dit les killers et les achievers sont plus dans l'action, tandis que les socializers et les explorers sont dans l'interaction. Et les tueurs et les socializers s'intéressent plus aux joueurs, tandis que les achievers, les explorers, sont plus intéressés par le monde. Ah, c'est intéressant. Et donc, il y a deux sous-divisions supplémentaires qu'on peut faire dans les quatre tendances. Oui, effectivement. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que le but de l'article de Bartle s'adressait plutôt aux créateurs de MUD pour leur dire « Votre jeu va avoir une population qui va être répartie plus ou moins équitablement entre ces différentes personnes-là ou les personnes qui représentent des traits accentués de ce type de joueurs-là. » Et là, une grande partie de l'article est pas mal moins intéressante, pour être bien honnête, essaie d'expliquer aux créateurs comment faire entrer ou faire sortir différents types de joueurs pour que l'univers de jeu soit balancé et que, par exemple, s'il y a trop de killers, les socializers vont s'en aller. Et s'il y a trop d'achievers, ça va faire fuir une autre catégorie. Donc, c'est une manière d'équilibrer la population. C'est intéressant. Et quoi, qu'est-ce que tu as découvert d'autre? Ben, en fait, c'est en discutant avec un de mes amis qui joue beaucoup à World of Warcraft, je lui ai dit, évidemment, l'application de... C'est le principe de s'adresser aux créateurs de jeux, comme l'a fait Bartle dans l'article, pour définir, pour attirer une certaine clientèle, n'est plus vraiment le cas, parce que les MMO maintenant sont quand même, il y a certains titres qui dominent un peu le marché. Mais ce qu'il m'a dit, c'est oui, mais si je pense à World of Warcraft, les différents ajouts qui sont faits sur le jeu, les différentes options proposées vont intéresser les différents types de joueurs, mais en même temps, le jeu va te contraindre d'une certaine manière à être à la fois socializer, killer, achiever et explorer. C'est ça, les contraintes du jeu nous poussent à être telle tendance plutôt que telle autre. Oui, exactement. Comme on peut pas vraiment... au niveau très avancé de World of Warcraft, ça devient impensable de jouer seul dans son coin. Il faut absolument faire des missions en équipe et donc même généralement entrer dans une guilde. Et quand on est dans la guilde, on va sociabiliser non seulement pour s'expliquer les différentes stratégies pour passer au travers des donjons, mais à partir du moment, il y a un sentiment de communauté qui se crée. Il faut être un explorateur parce qu'il faut couvrir différents aspects de la carte pour obtenir toutes les quêtes, etc. Il faut évidemment être un achiever pour progresser dans le jeu. Et il y a même des serveurs qui vont offrir l'option pour les killers d'aller s'en prendre à des gens plus facilement. Donc on peut assouvir un peu tous ces instincts de joueurs grâce à des jeux comme World of Warcraft qui vont complexifier les mécaniques de jeu pour rendre ça intéressant pour n'importe quel type de joueur. Mais en fait, ce qui est fascinant, Gabriel, ce qui m'a fasciné dans ce que quand tu m'as parlé de ton sujet, c'est de voir à quel point des découvertes qui ont été faites dans les années 90 peuvent très bien s'appliquer encore aujourd'hui là, aux MMO qu'on connaît, les MMO récents, puis même on pourrait étendre ça aux grandeur nature, c'est-à-dire que c'est vraiment des tendances qu'on retrouve chez les joueurs de grandeur nature, les socializers, etc. Et Guillaume, tu veux parler? Oui, et pas juste non plus les grandeur nature et les jeux vidéo, mais même le jeu de rôle en général. Il y a des joueurs qui ont certains types, et c'est le maître de jeu dans ce cas-là qui va plus pousser dans un sens, qui va forcer un joueur à changer un peu sa tendance et en rajouter une. Mais effectivement, ça s'applique dans tout ce qui est univers de gaming, peu importe l'aspect de celui-ci. Ben, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, c'est plus le design de jeux vidéo qui m'intéressait. En fait, c'est un peu dans cette logique-là que l'article a été pensé, mais effectivement, si on sort un peu, si on prend quelque chose qui est de l'ordre du jeu, mais qui est pas nécessairement un jeu vidéo, pour un maître de jeu qui fait un jeu de rôle, il va falloir qu'il gère les différents comportements des joueurs pour leur demander de collaborer ensemble ou bien les restreindre de, justement là, d'être trop agressif, par exemple. Dans les grandeurs nature, en fait, c'est parce que à la base de ça, ça reste des comportements humains, c'est des types de personnalités qui, disons, se font un peu révéler ou magnifier qu'une occasion d'être mis en valeur dans une pratique comme le jeu vidéo ou le jeu tout court. Absolument. Puis on se rend compte finalement que l'être humain n'est peut-être pas si complexe que ça. Ça peut être divisé en quatre groupes. Est-ce que tu aurais quelque chose à conclure à ce sujet-là, Gabriel? Ben non. Moi, en fait, j'invite vraiment les gens à aller lire peut-être là, les cinq premières pages de l'article parce qu'il y a un moment où ça devient assez technique et complexe puis c'est pas nécessairement intéressant. Mais le début est écrit dans un vocabulaire assez simple et qui va vraiment est très parlant pour les joueurs. Donc, vous pouvez mettre l'URL sur le site de Puissance Maximale, mais je le dirai pas là parce qu'il est très très long puis vous allez jamais le retenir. Mais l'article s'appelle Hearts, Clubs, Diamonds, Spades, 2 points, Players Who Suit MUDs. Et c'est par un certain Richard Bartle. Gabriel Tremblay-Gaudette, je te remercie beaucoup. Les gens qui veulent en savoir plus aussi, c'est sûr qu'ils peuvent aller sur le site de Puissance Maximale. Sinon, ils peuvent aller aussi sur le site du laboratoire NT2, lab-NT2, ou bon, taper lab-NT2 dans Google et l'affaire va être catch-up. Je te remercie, Gabriel. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Et sinon, ben, on va écouter. Maintenant, on se dirige vers une chronique de Guillaume Forand. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Guillaume, aujourd'hui, tu as plein de choses à nous parler. Plein de choses à vous parler, mais surtout, on va discuter, moi puis toi, Vincent, là, parce que... Discutons. Il y a des choses, il y a quelque chose que tu as eu entre les mains la semaine passée. Tu as été impressionné un petit peu, tu as regardé le prix, tu as dit « ouais », tu as même été faire des recherches sur Internet après. Tu as même reçu des courriels de ma part, Guillaume, concernant ce sujet-là. Et oui, Guillaume nous est arrivé la semaine dernière, il n'en a pas parlé, mais on l'avait entre les mains, c'était l'ExoPC, en fin de compte, la version PC du iPad. On pourrait dire la version PC, donc une tablette, oui. Un petit peu plus gros que l'iPad, pas beaucoup, avec un Windows 7 dessus. Au fait, juste une parenthèse comme ça, si vous n'aimez pas Windows, vous pouvez installer un Linux dessus. C'est à votre guise. Par contre, certaines fonctionnalités, peut-être, ne fonctionneront pas aussi bien. Parce qu'il a vraiment été pensé pour travailler avec Windows, c'est pour ça? Avec Windows 7, édition familiale. Donc, éventuellement, si vous voudriez mettre une autre version, vous pourriez le faire. Donc, une petite tablette, un petit peu comme l'iPad. Le même principe, c'est pour naviguer. On peut faire du courriel avec ça aussi. Par contre, un des gros avantages, comme j'avais déjà mentionné dans le temps, c'est un Windows, donc on peut installer à peu près n'importe quel programme. Installez pas un gros jeu dessus, ça roulera pas. C'est un processeur 1.6 GHz, à peu près 2 GB de RAM. Donc, c'est pas fait pour faire du gros jeu, mais c'est un c'est à peu près la force d'un portable moyen. Quand ouais, c'est pas si mal que ça. Ben, c'est pas si mal pour une tablette, en fin de compte. Là. Mm-hmm. Pour une tablette, c'est très bon. C'est pas un portable récent en force, mais c'est quand même respectable. Mais ça reste quand même avec l'utilité qu'on va en faire. Là. Quand on a une tablette comme ça, c'est pas justement nécessairement pour jouer à des jeux vidéo. C'est ça. Puis souvent, maintenant, les portables, on paye des plus gros prix, sont plus forts, mais sont trop forts pour qu'est-ce qu'on veut faire. Oui, c'est ça. Donc, c'est une alternative quand même intéressante. Alors, tu l'as eu entre les mains pendant quelques jours? Quelques jours. Première chose que j'ai faite avec, rendu chez nous, je me suis connecté sur le sans fil. Aucun problème, c'est du Windows, ça va bien généralement là-dessus. Et j'ai dit, bon, moi, en partant, là, le but de ça, c'est si je m'en vais en voyage, je suis à l'aéroport, peu importe, j'ai du temps à passer, il y a des connexions sans fil, on va l'écouter du Netflix, voir si ça fonctionne bien là-dessus. Donc, première chose que j'ai faite, j'ai écouté, au fait, c'est un animé qui est Claymore, j'ai écouté en version HD, streaming, ça sortait numéro 1, aucun lag, pas de problème, j'ai une connexion quand même bonne chez nous, donc c'est sûr qu'à l'aéroport, si la connexion est moins bonne, ça va saccader, là. Mais de base, capable de gérer le HD parce que oui, c'est du HD, c'est du 1080p, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, très bonne qualité visuelle. Contrairement au iPad, justement, qui n'offre pas ça là, présentement. L'iPad, je pense que c'est du 720. C'est ça, parce qu'on a parlé cette semaine qu'il allait avoir une amélioration au niveau de la présentation graphique. C'est ça. Mon point, des ports USB. C'est niaiseux. L'iPad, il n'y a pas ça. Donc, si on veut brancher un clavier souris dessus, des clés USB, disque dur externe. Disque dur externe, justement, oui. Très intéressant. Pas obligé d'avoir plus de mémoire dedans. On le met à côté pour entraîner qu'est-ce qu'on a de besoin. Donc, intéressant là-dessus aussi. C'est sûr, certains, comme que tu disais tantôt, même pour l'iPad, ils ont annoncé une deuxième génération. L'ExoPC, c'est la première génération qu'ils font. C'est sûr qu'Apple, ils ont les iPod Touch comme précesseurs avant qui ont aidé à l'expérience. Donc, un petit peu de lacune des fois au niveau du touchscreen, rien de majeur. Pourrait répondre un petit peu mieux de ce côté-là, mais c'est rien de majeur quand même. J'ai utilisé Word là-dedans, pas de problème. J'ai été sur Internet, j'ai tapé des choses avec le clavier virtuel, un petit peu de réponse, mais c'est pas vraiment pire que taper sur un iPad ou même un iPod Touch. Oui, il y a quand même toujours une petite fraction de seconde de différence. Toujours une petite fraction de seconde de différence. Par contre... honnêtement, moi, la première chose que j'ai faite, après avoir utilisé Netflix, ben, je vais aller voir sur des pages web pour jouer à des jeux en flash. Qu'est-ce que l'iPad n'a pas? Et, regardons ça, les jeux fonctionnent. Les gros jeux flash qui prennent beaucoup, beaucoup de mémoire, par contre, ça va laguer là-dessus. Faut pas s'oublier, c'est un ordinateur qui est en arrière. Si votre ordinateur chez vous est à peu près la même force, puis il lague sur certains jeux en flash, il va y avoir des délais là-dessus aussi. C'est qui les fabricants? Est-ce qu'il y a plusieurs fabricants de l'ExoPC ou c'est juste une compagnie qui a sorti ce modèle-là? Au fait, de base, l'ExoPC, c'est la première version qui a été créée à Chicoutimi. C'est des Québécois qui l'ont faite. Okay. Par contre, chaque pays où est-ce qu'ils se vendent ont leur propre version pour réduire entre autres les coûts, okay, tout ça. Donc, au Canada, ça s'appelle un Vibe. OK. Donc, si vous faites aller sur le site de ExoPC, faites une recherche ExoPC. Il y a un lien. Il y a un lien, il va vous envoyer à la bonne place. Moi, personnellement, ceux-là qui cherchent peut-être une tablette qui va avoir un petit peu plus de diversité dans les applications parce qu'on peut installer qu'est-ce qu'on veut. Peut-être une option à regarder. C'est sûr qu'il va y avoir une deuxième version éventuellement. Il y a des améliorations de firmware, de pilote qui s'en viennent, qui vont aider le tout. Mais peut-être un très bon point, quelque chose à regarder et à se créer des petits besoins. Ça vaut la peine de voir ça. En tout cas, allez voir. Merci beaucoup, Guillaume, de cette chronique courte quand même sur l'ExoPC, le Vibe maintenant. Et le temps de nous dire en fin d'émission que ce mercredi, nous serons à la Shop Goblin pour un souper puissance maximale. Venez nous rejoindre, c'est sur Maguire, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, c'est sur Maguire, à l'entrée de Maguire. Et voilà. Puis sinon, ben oubliez pas que Sequoia a besoin de vous. Sequoia est en crise financière. Alors, si, peu importe où vous êtes, si vous êtes au Yukon ou, ou à l'île du Prince-Édouard, n'importe où, allez sur le site de Sequoia et achetez une carte de membre. Parce qu'une radio communautaire, c'est la démocratie, c'est la c'est diversité un plus d'opinion, c'est la vérité dans vérité une communauté. Sujet. C'est très important pour la démocratie. Et la semaine prochaine, reste à l'antenne parce qu'on a tout plein de jeux à donner, à faire tirer. Oui, un spécial tout Noël tout juste avant justement cette fête de réjouissance. Et on remercie Andrew Castegan qui est avec nous aujourd'hui, Michael Michaud, Guillaume Forand et François Gécouillard, en passant également par Gabriel Tremblay-Godette. Merci beaucoup Vincent Langlois. Ça fait plaisir et on vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine de jeu. Virgins, till the day.